Après une nuit tranquillement passée, les voyageurs le 6 janvier, à 7h du matin, continuèrent à traverser le vaste district. Après une journée de 35 000, les bœufs arrivèrent un peu fatigués sur les versants des Buffalo Range, chaîne de montagnes médiocre. La tente fut dressée sous de grands arbres. Paganel, à qui revenait le premier quart, ne se coucha pas et, sa carabine à l'épaule, il veilla sur le campement. Quand un son lointain tira de sa rêverie, il put reconnaître les sons de piano. En ce moment, une voix purement timbrée s'éleva dans les airs. C'était « Il mio tesoro tanto » du Don Juan. Paganel demeura longtemps sous ce charme inexprimable, puis la voix se tut et tout rentra dans le silence. Le lendemain, toute la troupe était réveillée par des aboiements inattendus. Paganel ouvrit déjà la bouche pour raconter ses impressions de la nuit passée quand deux jeunes gens apparurent, montant deux chevaux de sang de toute beauté. Les deux gentlemen, vêtus d'un élégant costume de chasse, s'arrêtèrent à la vue de la petite troupe. Lord Glenarvan vint à leur rencontre. Les jeunes gens s'inclinèrent et l'un d'eux, le plus âgé, dit « Milord, ces dames, vos compagnons et vous, voulez-vous nous faire l'honneur de vous reposer dans notre habitation ?»« Messieurs, » dit Glenarvan, « Michel et Sandy Patterson, propriétaires d'Otham Station, vous êtes déjà sur les terres d'établissement et vous n'avez pas un quart de mille à faire. »« Messieurs, » répondit Glenarvan, « je ne voudrais pas abuser d'une hospitalité si gracieusement offerte. » Milord, reprit Michel Patterson, en acceptant, vous obligez de pauvres exilés qui seront trop heureux de vous faire les honneurs du désert. Messieurs, dit alors Paganel, s'adressant à Michel Patterson, serais-je indiscret en vous demandant si c'est vous qui chantiez hier cette air du divin Mozart? C'est moi, monsieur, et mon cousin Sandy qui m'accompagnait. Eh bien, monsieur, reprit Paganel, recevez les sincères compliments d'un Français, admirateur passionné de cette musique. Puis Michel Patterson indiqua vers la droite la route à suivre. Les voyageurs se rendirent à l'habitation d'Otham Station. C'était vraiment un établissement magnifique.